force pour les frères, où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones. Un joint, une bougie ce soir, je force l'écriture. En 9-6, je rap français sur les murs. La daronne râle un peu, la fin du mois va être pire. Mais les couplets idéales arsenic me font tenir. J'ai les posters de Danny Lorne, MDF ou Roca. J'ai mon survêt, Lacoste et puis ma paire de briques. Je rêve d'interview, je rêve d'Olympia, je rêve d'écrire la trappe. J'ai 15 ans, je suis dans ma chambre et ma vie c'est le rap. Je casse les couilles aux voisins, je suis bon qu'à me casser la voix. Et chez les keufs, je garde la furie et la foi. Musique, rap, rap, musique que j'aime, ton parfum. Je t'arnaille en classe, ma tête est dure comme un parpaing. Un mini disque platine, je m'en vais poser. Mes meilleurs fans restent mes lits superposés. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a enduré, qu'est-ce qu'on a sacrifié. Les meilleures années, rap français. On courait derrière le succès. On était passionnés. Les meilleures années du rap français. Alors enfin un truc. J'ai la force pour les frères, où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones. Un joint, une bougie ce soir, je force l'écriture. On est 9-6, je rap français sur les murs. La daronne râle un peu, la fin du mois va être pire. Mais les couplets d'idéal, j'ai arsenic, me font tenir. J'ai les posters de Dali Lord et NTM ou Roca. J'ai mon survêt, la Corse et puis ma paire de requins. Je rêve d'interview, je rêve d'Olympia. Je rêve de quitter Trap. J'ai 15 ans, je suis dans ma chambre, ma vie c'est le rap. Oui voisin, je suis bon qu'à me casser la voix. J'ai les gueules, je garde la furie et la foi. Musique rap, rap, musique que j'aime, j'aime ton parfum. Je tape mal en place, ma tête est dure comme un parpaing. Un mini disque platine, je m'en vais poser. Mes meilleurs fans restent mes lits superposés. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a enduré, qu'est-ce qu'on a sacrifié. Les meilleures années rap français. On courait pas derrière le succès, on était passionnés. Les meilleures années, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a enduré. le délire. C'est bien la basse. Putain, je fais n'importe quoi ce soir. J'ai fait n'importe quoi. Ça vous va 110? J'arrive pas à mettre 110. J'arrive pas à mettre 110. Je n'arrive pas à changer le tempo. We'll be right back. just a formality. Ouais, ça suffit. Ça se calme. On se calme, les synthés. Ok. Thank you. Lionel, je te rends les pianos, hein. We'll be right back. I'm not.